بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا أيها الإخوة on continue donc nos cours concernant la zakat en abrégé. On essaye de faire bref, même si c'est pas facile, parce que pour bien comprendre certaines situations, il faut absolument détailler et des fois il faut développer. Nous en sommes donc au sixième cas. Nous en étions donc à cibler ceux qui ne sont pas les bénéficiaires de la zakat et dont il est interdit, ceux à qui il est interdit de toucher l'argent de la zakat et à qui il est interdit donc de la verser. Et nous en sommes donc au sixième cas, le sixième cas qui est le cas de la femme pauvre qui est sous l'autorité d'un homme riche. Celui de la femme pauvre qui est sous l'autorité d'un homme riche chargé de subvenir à ses besoins. Donc l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi, rahimahullah, dans son livre Al-Mourni, il dit donc qu'on ne doit pas lui verser l'argent de la zakat, sauf si cet homme riche arrête de lui donner de quoi subvenir à ses besoins. Donc la femme pauvre qui est sous l'autorité d'un homme riche, on ne lui verse pas la zakat, sauf si cet homme riche arrête de lui donner de quoi subvenir à ses besoins. Dans ce cas, il est permis de lui verser la zakat, de lui en donner. Et ce cas, c'est pour la même raison donc que celle que j'avais citée, pour la même raison que dans le cas par exemple de l'esclave, car ça serait donc alléger la charge de celui qui a obligation de subvenir à ses besoins. Celui qui a obligation de subvenir à ses besoins, ça serait donc lui verser la zakat à cette femme-là, ça serait donc alléger la charge de celui qui a l'obligation de subvenir à ses besoins. Et ce n'est pas un des objectifs de la zakat. Donc ce qui nous fait donc arriver au septième cas, la septième catégorie de ceux à qui on ne doit pas verser la zakat. Ce sont donc ceux dont on a la charge. Ceux dont on a la charge ceux dont on a la charge, ceux qui sont donc sous notre responsabilité, de sorte que c'est nous qui dépensons pour subvenir à leurs besoins. Parmi eux, donc, il y a les parents, les grands-parents, maternels et paternels, les enfants, les petits-enfants, et toute personne dont on a la charge et dont on a l'obligation de nourrir, de vêtir et de dépenser pour leurs besoins de santé et autres. Donc, il n'est pas permis à ce qu'on leur verse la zakat à ceux-là. Ceux donc qui sont à notre charge, non, ceux donc pour qui on dépense, c'est nous qui dépensons pour leurs besoins, il n'est pas permis de leur verser la zakat. Et l'imam Ibn Qudama, rahimahullah, il a expliqué la raison de cela dans son livre Al-Mourni, en rapportant la parole de Ibn al-Mundir, rahimahullah, qui a dit أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم ولأن الدفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه ويعود نفعها إليه فكأنه دفعها إلى نفسه فلم تجوز كما لو قضى بها دينه. Donc l'imam Ibn Qudama, il dit donc ici que les gens de science, sont unanimes. L'imam Qudama il rapporte dans la parole de Ibn al-Mundir qui dit ici que les gens de science sont unanimes sur le fait il n'est pas permis de verser la zakat aux parents. Dans le cas, aux deux parents, dans le cas où celui qui leur verse a l'obligation de subvenir à leurs besoins, parce que leur verser sa zakat le dispense et leur verser sa zakat le dispense de dépenser pour eux et lui enlève cette charge et le profit donc il veut dire de la zakat ici, et le profit donc de cette zakat lui revient, et c'est comme si il se l'était versé à lui-même, ce qui n'est pas permis, comme dans le cas où il réglerait sa dette avec sa zakat. Fin de citation. Donc, la raison pour laquelle cela est interdit de verser la zakat à des gens dont on a la charge est clairement expliquée ici par le fait que ce serait à notre propre profit. Ce serait à notre propre profit, puisque on n'aurait plus à cause de cela à dépenser pour eux. Et on serait donc allégé de cette charge qui nous incombe. Et comme il nous est interdit de profiter nous-mêmes de notre propre zakat, voilà donc pourquoi ceci est interdit. Voilà donc pourquoi c'est interdit, car verser à nos ascendants, parents, grands-parents et autres, ou bien à nos descendants, enfants, petits-enfants et autres, ou à nos épouses qui sont à notre charge, leur verser notre zakat, c'est comme si on se versait cette zakat à nous-mêmes. C'est comme si on se versait cette zakat à nous-mêmes. Ou bien comme si on réglait une dette qu'on a, on réglait une dette qu'on a avec l'argent de notre zakat. C'est pas permis. C'est pas permis donc. Donc c'est l'explication que l'imam Ibn al-Mundir donc il donne ici. Mais si cette situation vient à changer et que ces gens ne sont plus à notre charge, par exemple, les parents peuvent avoir plusieurs enfants. Un moment, ils sont à la charge d'un tel parmi leurs enfants, et après, ça change. C'est un autre des enfants qui prend le relais. Il prend le relais par rapport à leur hébergement, leur nourriture, leurs soins et autres. Dans ce cas, le premier qui s'occupait d'abord d'eux, il lui est permis de leur donner sa zakat, parce qu'ils ne sont plus, ils ne sont plus à sa charge. Donc, dans ce cas-là, il lui est maintenant permis de leur donner de sa zakat. C'est l'avis de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah dans Majmou' al-Fatawa. Et Cheikh Ibn Taymiyyah, l'imam Ibn Taymiyyah, l'a suivi dans cet avis. Dans Sharh al-Mumti', il l'a suivi donc dans cet avis. Sharh al-Mumti', qui est son commentaire de Zad al-Mustaqni' Fi'ihtisar al-Muqni', qui est donc son meilleur et plus célèbre livre de fiqh. Et donc, Zad al-Mustaqni', c'est un livre de fiqh selon le madhhab Hanbali. Et il m'est arrivé à plusieurs reprises dans des cours précédents de dire dans son commentaire d'Al-Mumti', c'est une erreur. Dans son commentaire d'Al-Mumti', j'ai dit ça plusieurs fois, c'est une erreur parce que Al-Mumti', c'est le nom de son commentaire. Al-Mumti', c'est le nom de son commentaire. C'est comme ça qu'il l'a intitulé. Mais le livre qu'il commente, c'est Zad al-Mustaqni'. Donc Zad al-Mustaqni', donc c'est le livre qu'il commente et dont le commentaire a été appelé Sharh al-Mumti'. Donc, pour en revenir à ce que je disais, donc si ces personnes dont on a la charge ne sont plus à notre charge, à partir du moment où ils ne sont plus à notre charge, il est permis donc de leur verser la zakat, car la raison de l'interdiction n'existe pas ou n'existe plus. Donc lorsque la raison de l'interdiction, qui est le fait que ce sera notre propre profit et ça nous allégerait de l'obligation qui nous incombe de prendre soin d'eux et de dépenser pour leurs besoins, lorsque cette raison n'est plus, donc lorsque la raison de cette interdiction n'est plus et n'existe plus, donc là dans ce cas il nous est permis de leur verser donc de la zakat. Et c'est pour cette raison qu'il a été permis par exemple à la femme, c'est pour cette raison qu'il a été permis par exemple à la mère de verser la zakat à son fils, ou à la femme de verser la zakat à son mari. Ceci a été permis parce que elle n'a pas l'obligation légale, elle n'a pas l'obligation légale de subvenir à leurs besoins. La femme n'a pas l'obligation légale de subvenir aux besoins de son mari ou de ses enfants. Ces besoins-là, cette obligation-là, cette charge-là revient donc au père. Cette charge-là revient au mari et au père. Donc, il est donc permis à la femme qui a des moyens, il est permis à la femme qui a des moyens de verser sa zakat à son mari ou à ses enfants. Car elle n'a pas l'obligation de, elle n'a pas, il ne lui incombe pas cette charge de subvenir à leurs besoins. Donc leur verser la zakat ne serait pas à son propre profit puisqu'elle n'a pas cette obligation. Et la règle chez les gens de science est qu'il n'est pas permis de faire tomber une obligation qu'on a par sa zakat. La règle donc chez les gens de science est qu'il n'est pas permis de faire tomber une obligation qu'on a par sa zakat. Il n'est pas permis de faire tomber une obligation qu'on a par sa zakat. On a l'obligation de subvenir aux besoins de sa famille, femme, enfant, et on peut avoir aussi l'obligation de subvenir aux besoins de ses parents ou de ses ascendants ou de ses grands-parents. On peut aussi avoir cette obligation. S'ils sont à notre charge, on a donc cette obligation de subvenir à leurs besoins. Et dans ce cas, il n'est pas permis donc de faire tomber cette obligation en leur versant la zakat. Parce que quand on leur verse la zakat, ils ne seront donc plus... Parce que si on leur verse la zakat, et par exemple on leur verse ce dont ils ont besoin pour une durée de temps, donc ça nous allège donc de cette obligation qui nous incombe. On n'aura plus donc besoin de dépenser pour eux. Et donc la règle chez les gens de science, c'est que ce n'est pas permis de faire tomber une obligation par sa zakat, parce que le profit nous revient, et il n'est pas permis que ta propre zakat te profite à toi, que ça soit à ton profit. Et il est aussi bien de donner d'abord à ceux, donc les gens qui sont proches, les gens qui nous sont proches, c'est bien de leur donner, de les privilégier par rapport à la zakat, par rapport à d'autres gens. Donc il est bien de leur donner d'abord avant de penser à d'autres gens. Ceci d'après le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Salman ibn Amir radiallahu anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: As-sadaqatu ala al-miskin sadaqatun wa ala dhi al-rahim itnan sadaqatun wa sila. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: la sadaqa à un pauvre est une sadaqa simple, et la sadaqa faite à un proche à deux récompenses. La récompense d'une sadaqa et la récompense du maintien des liens de parenté. Donc la sadaqa faite à un proche a deux récompenses. La récompense d'une sadaqa et la récompense du maintien des liens de parenté. Le hadith est rapporté dans Sunan al-Tirmidhi. C'est rapporté donc dans les Sunan Tirmidhi, An-Nasa'i et Ibn Majah. Et c'est rapporté aussi par l'imam Ahmed. Et c'est authentifié par l'imam Al-Albani. Donc ce hadith donc est donc une preuve que il est mieux donc de donner donc la zakat ou la sadaqa qui est non obligatoire, c'est mieux lorsqu'on a la zakat ou la sadaqa de privilégier de donner d'abord à ses proches qui ne sont pas à notre charge. Les proches qui ne sont pas à notre charge, donc nos proches qui ne sont pas à notre charge, comme par exemple les oncles, les tantes et autres, c'est bien de leur accorder la priorité de notre zakat et nos sadaqat. Parce qu'on a donc, comme c'est cité dans le hadith, deux récompenses, celle de la sadaqa, hein, celle de la sadaqa et de la zakat, celle de la sadaqa ou de la zakat, et celle du maintien des liens de parenté. Celle du maintien des liens de parenté. Il y a un cas de figure ici. Il y a un cas de figure ici qui fait exception et qu'il faut citer. Il y a un cas de figure qui fait exception et qu'il faut citer. C'est le cas de figure où la personne est dans l'incapacité de subvenir aux besoins de ceux dont il a la charge. Le cas de figure où la personne est dans l'incapacité de subvenir aux besoins de ceux dont il a la charge. Ils sont pauvres, ils sont à sa charge, c'est lui qui a l'obligation de s'occuper d'eux, mais il est dans l'incapacité financière de les prendre en charge. Donc, dans ce cas, il lui est permis de leur verser sa zakat. C'est l'avis du cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah. Et d'autres l'ont suivi dans cet avis parmi les gens de science. Donc, si tu as, par exemple, tes parents sont à ta charge, ou bien tes enfants, certains de tes enfants sont à ta charge, c'est toi qui dépenses pour eux. Parce que ça peut arriver, par exemple, que même si les enfants sont mariés, ils sont toujours à la charge de leur père, par exemple. C'est toujours leur père qui dépense pour eux. Ça, c'est des cas de figure qui peuvent arriver. C'est connu dans les pays d'islam. C'est connu. C'est des choses qui arrivent que les enfants, par exemple, parce qu'on essaye de marier les enfants tôt, par exemple. On essaye de marier les enfants tôt pour leur éviter de tomber dans la perversion et autres. Donc, les enfants sont mariés très tôt et à ce moment-là, ils peuvent toujours être donc à la charge de leurs parents, à la charge de leur père, à la charge du père, donc qui leur donne de quoi subvenir à leurs besoins. Donc, il leur donne donc de quoi subvenir à leurs besoins. Donc, il marie peut-être, par exemple, quelqu'un marie son fils aîné et c'est lui qui continue de l'assister en lui donnant de quoi s'occuper de son foyer. Et donc, si il a ces personnes à sa charge, mais qu'il est dans l'incapacité de les prendre en charge, il n'a pas les moyens lui-même de les prendre en charge, dans ce cas, il lui est permis de leur verser sa zakat. Il lui est permis de leur verser sa zakat. C'est donc l'avis de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Rahimahullah. Huitième catégorie maintenant. Huitième catégorie qu'on va voir. Et c'est la dernière des personnes à qui il n'est pas permis de verser la zakat. C'est donc quelqu'un que tu sais pertinemment qu'en lui versant la zakat, il y a de fortes chances qu'ils s'en servent dans la désobéissance d'Allah, comme un frère par exemple que tu sais qu'il fume la cigarette ou il consomme des drogues par exemple. Il consomme des drogues. Ou bien il joue au jeu de hasard par exemple. Il joue au jeu de hasard, les paris sportifs par exemple. C'est quelque chose qui est à la mode, les paris sportifs. Tu sais qu'un frère joue au pari sportif. Tu sais que voilà, même s'il fait salat et tout, voilà, il a cette désobéissance dont il a du mal à se débarrasser. Donc, il n'est pas permis donc dans ce cas-là, de lui verser la zakat, parce que ça serait donc. Tu sais très bien qu'il y a de fortes chances qu'il utilise cet argent à ces fins-là. Et ça serait donc l'aider donc dans la désobéissance. L'aider dans la désobéissance et le soutenir dans la désobéissance à Allah Azawajal. Donc dans ces cas-là, lorsque on sait que la personne persiste dans ce genre de désobéissance, qu'il n'a pas fait tawbah, qu'il persiste dans ce genre de désobéissance, donc il n'est pas permis donc de lui verser la zakat. Et rentre dans cette dernière catégorie, aussi les gens donc de l'innovation, les gens de l'innovation qui combattent la sunna et l'islam authentique. On ne leur verse pas la zakat pour ne pas les aider dans leur désobéissance et leurs innovations. Pour ne pas les aider dans leur désobéissance et leurs innovations. Quelqu'un que tu sais qu'il pratique des innovations, des bid'a, hein, et que c'est quelqu'un qui est farouchement opposé à la sunna authentique, donc il n'est pas permis de lui verser donc l'argent donc de la zakat, parce que tu sais pertinemment qu'il va s'en servir pour pratiquer ses innovations et pour utiliser cet argent fi sabili shaitan, donc dans le sentier de shaitan, en soutenant les innovations. Donc c'est l'avis de notre cher Abdelhamid dans son commentaire de Boulour. C'est son avis dans son commentaire de Boulour, Hafidhahullah. Et donc, c'est la dernière catégorie donc qu'on a vue. La personne donc désobéissante, dont on sait pertinemment qu'il va se servir de cet argent de la zakat pour commettre des actes de désobéissance à Allah Azawajal. Et la personne donc qui fait partie des gens de l'innovation. Question maintenant, quand est-ce que la zakat doit être payée? À quel moment? À quel moment la zakat doit être payée? La réponse est qu'il est obligatoire de payer la zakat immédiatement dès que les conditions sont remplies, et il n'est pas permis donc de retarder son paiement, sauf en cas d'excuses valables. Donc, il est obligatoire de s'exécuter immédiatement lorsque les conditions sont remplies et de s'acquitter le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible de sa zakat. Et ceci est prouvé par le fait que l'ordre nous a été donné dans le livre d'Allah Azzawajal de payer la zakat. Qala Allah Azzawajal, wa aqimus salah wa atu zakat, qui est donc le verset 43 de Sourate Al-Baqarah, où Allah Azzawajal dit en traduction approximative du sens: et accomplissez la salat, la prière, et acquittez-vous de la zakat. C'est un ordre donc qui nous est donné dans ce verset. Et la règle dans les usuls du fiqh, c'est الأصل في الأوامر الفورية. الأصل في الأوامر الفورية. Donc la règle chez les savants des usul, des fondements du fiqh, c'est que la base dans les ordres, c'est l'exécution immédiate. Al-aslu fil awamir al-fawriya. La base dans les ordres, c'est l'exécution immédiate. Donc la base dans les ordres qu'il y a dans le kitab et la sunna, c'est qu'ils doivent être exécutés immédiatement, sans tarder. La base dans les ordres qu'il y a dans le kitab et la sunna, c'est qu'ils doivent être exécutés immédiatement, sans tarder. Et les preuves de cette règle sont la parole d'Allah Azzawajal. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. C'est le verset 133 de Surat Al-Imran, où Allah Azzawajal dit en traduction approximative du sens: empressez-vous vers le pardon de votre Seigneur. Empressez-vous vers le pardon de votre Seigneur. Et Allah Azzawajal a aussi dit: fastabiqul khayrat. Fastabiqul khayrat. Qui est donc le verset 148 de Surat al-Baqarah. En traduction approximative du sens: empressez-vous donc d'accomplir les bonnes œuvres. Empressez-vous donc d'accomplir les bonnes œuvres. Nous sommes donc ici dans les preuves de cette règle, les preuves qui justifient cette règle. Al-aslu fil awamir al-fawriya. La base dans les ordres, c'est l'exécution immédiate. La base dans les ordres, c'est qu'il nécessite une exécution immédiate. Et dans la sunna, comme preuve extraite de la sunna, il y a plusieurs cas où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un ordre à ses compagnons et ils ont tardé à l'exécuter. Et il s'est fâché du fait qu'ils aient tardé à s'exécuter. Donc il s'est fâché du fait qu'ils aient tardé à exécuter son ordre. Comme par exemple lors de la bataille d'Al-Hudaybiyah, lorsqu'il leur a ordonné de raser leur tête pour sortir de l'état d'Ihram, ils ont tardé à le faire et le prophète s'est mis en colère. Le prophète s'est fâché. Et le hadith à ce sujet est dans Sahih al-Bukhari. Donc si la base dans les ordres n'était pas l'exécution immédiate, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se serait pas mis en colère et ne se serait pas fâché pour cela. Donc c'est donc une preuve que la base, al-aslu fil awamir al-fawriya, la base donc dans les ordres du kitab et de la sunna, lorsqu'un ordre est donné dans le kitab et la sunna, la base est donc que cet ordre doit être exécuté dans l'immédiat. Cet ordre doit être exécuté dans l'immédiat. Donc le plus rapidement possible. Un autre argument est que la personne ne sait pas de quoi demain sera fait. La personne ne sait pas de quoi demain sera fait. Et il se peut donc qu'il meure et que l'obligation qu'il a tardé à accomplir reste à peser sur lui, même après sa mort. Donc il reste redevable. Il se peut donc qu'il meure et il reste redevable de cette obligation qu'il a tardé à accomplir. Il lui est donc demandé de s'empresser d'accomplir les obligations pour avoir la conscience tranquille. C'est pour ça donc qu'il nous est demandé de nous empresser d'accomplir les obligations pour décharger sa conscience, avoir la conscience tranquille. Autre argument est que le besoin des pauvres est pressant. Le besoin des pauvres est pressant et on doit s'empresser de les soulager. Un pauvre peut par exemple être dans le besoin de se soigner Il peut être dans le besoin de se soigner d'urgence et il attend l'argent de la zakat. Il attend l'argent de la zakat pour cela. Et retarder son paiement lui cause donc du tort. Et les pauvres sont de toute façon et dans tous les cas toujours dans l'urgence. Les pauvres sont dans tous les cas et de toute façon toujours dans l'urgence. Donc, il faut leur faire parvenir la zakat le plus rapidement possible donc, pour les soulager. Il faut donc leur faire parvenir cette zakat le plus rapidement possible pour. Le plus rapidement possible pour soulager, pour les soulager de leur situation de pauvreté. Et comme autre argument qui indique qu'il faut sortir, qui indique qu'il faut sortir la zakat immédiatement dès que les conditions sont réunies et qu'on en a la capacité, c'est la parole d'Allah concernant la zakat des graines et fruits. La parole d'Allah Azzawajal concernant la zakat des graines et fruits, wa atu haqqahu yawma hasadihi. Qala Allah Azzawajal, wa atu haqqahu yawma hasadihi. En traduction approximative du sens, et acquittez-vous de leurs droits le jour de la récolte. Et le verset 141 de Sourate Al-An'am. Donc, pour les graines et les fruits, la divergence n'est pas permise puisque ce verset fixe le moment où leur zakat doit être sorti. Et c'est le jour de la récolte. Et c'est le jour de la récolte. Et donc ceci indique aussi que ça doit être dans l'immédiat, sans attendre. Puisque là, dès qu'on récolte, il nous est obligatoire de sortir la zakat dès la récolte. Ceci montre aussi que, donc, ceci indique que la zakat, de manière générale, on ne doit pas tarder à la sortir. Elle doit être sortie dès que possible, le plus rapidement possible. Maintenant, on va voir certains cas de figure où il est permis, de retarder le paiement de la zakat. On va voir maintenant certains cas de figure où il est permis de retarder le paiement de la zakat. Premier de ces cas de figure, lorsqu'on n'est pas en possession des biens, lorsqu'on n'est pas en possession des biens. Donc, lorsqu'on n'est pas en possession des biens, par exemple, la date à laquelle tu dois sortir la zakat arrive et tu te trouves à l'étranger ou loin dans une zone éloignée de tes biens. Donc la date à laquelle tu dois sortir la zakat est arrivée et toi tu te trouves à l'étranger ou loin dans une zone éloignée de tes biens. Tu n'as pas accès à tes biens. Ça, c'est une situation où donc tu ne peux pas sortir la zakat. Donc, il t'est permis de retarder la sortie et le paiement de la zakat jusqu'à ce que tu sois en possession de tes biens, jusqu'à ce que tu retournes là où tes biens sont pour que tu puisses donc sortir la zakat de tes biens. Ou bien, autre cas de figure, l'argent dont tu dois sortir la zakat ou le bien dont tu dois sortir la zakat, tu l'as prêté à un frère qui ne t'a pas encore remis ce bien ou remboursé. Tu as prêté de l'argent à un frère et c'est de cet argent que tu dois sortir la zakat. C'est de cet argent que tu dois sortir la zakat et il ne t'a pas encore remboursé. Donc c'est une cause qui permet donc de retarder le paiement de la zakat jusqu'à ce que tu entres en possession de ton bien, puis tu sors donc la zakat. Et deuxième Deuxième raison, donc, qui peut permettre de retarder le paiement de la zakat, c'est si la personne craint un mal. Si la personne craint un mal à sortir la zakat à ce moment. Donc, dans ce cas-là, il lui est permis de retarder le paiement de la zakat. Comme par exemple, s'il craint pour sa sécurité et celle de ses biens. S'il craint pour sa sécurité et celle de ses biens, qu'il craint par exemple le vol, l'agression, le braquage et autres, il lui est donc permis de retarder la sortie de la zakat jusqu'à ce que sa crainte se dissipe. Il peut par exemple se trouver au milieu de gens pauvres et de mauvaise moralité et craindre que s'il sort la zakat, s'il sort la zakat parmi eux, ils deviennent une cible. Ils deviennent une cible car ils sauront à ce moment-là qu'il a des moyens et des biens. Et ça fera de lui donc, ça fera de lui, de sa famille ou de sa maison une cible pour ses malfrats. Donc à ce moment-là, il lui est permis donc de retarder la sortie de la zakat pour qu'il puisse la sortir à un moment où il se sent plus en sécurité. Troisième raison valable donc pour retarder, troisième raison valable donc est permise pour retarder le paiement et la sortie de la zakat, c'est s'il y a un intérêt, une maslaha donc un intérêt dans le fait de retarder la sortie de la zakat. Donc s'il y a une maslaha, un intérêt dans le fait de retarder la sortie de la zakat, comme par exemple le fait de la réserver pour des pauvres qu'on sait plus dans le besoin que ceux qu'on a autour de soi, que ceux qu'on a autour de nous, et par exemple on cherche les voies et moyens de leur faire parvenir cette zakat. Donc, comme par exemple actuellement quelqu'un qui quelqu'un actuellement quelqu'un peut réserver sa zakat pour la Palestine par exemple. Quelqu'un peut réserver sa zakat pour les Palestiniens ou tout autre musulman dont il sait que ils ont dont il sait qu'il a vraiment besoin et il est plus dans le besoin que les pauvres qu'il peut trouver autour de lui. Donc dans ce cas-là, c'est permis donc de retarder le paiement, la sortie de la zakat, le paiement de la zakat pour pouvoir donc faire parvenir cette zakat à ces gens qui sont éloignés. Donc dans ce cas, c'est permis. Et ça peut être aussi on retarde donc la sortie de la zakat pour cibler une période où les gens sont vraiment plus dans le besoin. Donc, pour cibler une période où les gens sont plus dans le besoin. Par exemple, on peut se dire que, par exemple, pendant Ramadan, les gens ne sont pas trop dans le besoin. Ta zakat, tu dois la sortir dans Ramadan. Mais tu vois que dans Ramadan, les sadaqats sont, les pauvres sont à l'aise dans Ramadan. Il y a beaucoup de sadaqats, beaucoup de zakat qui est sorti dans cette période-là. Et donc, tu vois que c'est mieux de retarder la sortie de ta zakat. Donc, à un moment où le pauvre sera vraiment plus dans le besoin. Par exemple, les périodes hivernales où ce n'est pas les périodes hivernales hors Ramadan, c'est des périodes souvent où les gens sont vraiment dans le besoin, les pauvres sont vraiment dans le besoin. Donc, tu sais qu'à cette période-là, les gens seront vraiment dans le besoin. Dans Ramadan, ils ont ce qu'il faut, mais dans cette période-là, ils seront vraiment dans le besoin. Donc, tu retardes donc la sortie de la zakat pour leur verser ça dans cette période-là. Donc là, dans ce cas-là, pour cette maslaha-là, pour cet intérêt-là, c'est permis, donc les savants donc, ont permis de retarder donc le paiement de la zakat. Bon, ici chez nous par exemple, ici chez nous en Afrique par exemple, c'est connu que c'est en saison des pluies. En saison des pluies, les gens sont plus dans le besoin parce que c'est la période où il fait froid, parce que dans nos pays généralement il fait chaud, mais en saison des pluies il fait froid. En saison des pluies il fait froid et les gens sont plus dans le besoin. Les gens sont plus dans le besoin en termes d'aliments et autres. Et les gens sont plus dans le besoin aussi parce que les activités sont au ralenti. Les activités sont au ralenti à cause des pluies. On a des zones ici chez nous où il peut pleuvoir non-stop. Peut pleuvoir non-stop tous les jours pendant un mois ou 45 jours. Des fois, on a vraiment des périodes de pluie où c'est non-stop, tous les jours il pleut, tous les jours il pleut. Tu vois peut-être pendant 2 semaines comme ça, la pluie non-stop, tous les jours. Et il pleut, des fois il pleut vraiment non-stop et c'est du matin au soir. Donc, c'est des périodes où, vraiment où les gens sont dans le besoin. Parce que les activités sont au ralenti. Quelqu'un qui a une activité, par exemple, des petites activités informelles, ça devient difficile à cause des pluies. Hein? Ça devient difficile. Ou quelqu'un qui est, par exemple, vendeur de marchandises ambulantes, vendeur ambulant de marchandises et tout, il vend des marchandises comme ça. Il n'a pas de boutique, mais c'est un vendeur ambulant comme ça. En ces périodes-là, c'est difficile. Ou il a un petit kiosque dehors où il vend des produits. Voilà, dans ces périodes-là, c'est plus difficile d'avoir des clients parce que, comme c'est des périodes de pluie, les gens sortent moins, les gens se déplacent moins. Les gens se déplacent vraiment pour des choses vraiment nécessaires. Donc, ça fait que dans ces périodes-là, c'est des périodes où les activités sont ralenties et les gens ont vraiment besoin. Les gens sont vraiment dans le besoin, et les pauvres encore plus. Et ça peut être aussi pour la maslaha du fait qu'on retarde la zakat parce qu'on l'a réservée à un pauvre qui est en voyage. Par exemple, on connaît un pauvre, mais il est en voyage ou en déplacement, et on attend qu'il rentre pour lui verser la zakat. Ça peut être aussi un cas de figure. On peut être aussi dans ce cas de figure. Mais dans tous les cas, cher Ibn Taymin, il dit donc dans Sharh al-Mumti que la personne qui doit sortir cette zakat, la personne donc qui retarde cette zakat-là pour une maslaha, hein, la personne qui retarde cette zakat pour une maslaha ou autre, il doit donc distinguer. Cette zakat, il doit la sortir et la distinguer du reste de ses biens. Et écrire une note pour ses héritiers stipulant que ceci est la zakat qui devait être payée, par exemple, à telle date, mais elle est retardée dans l'intérêt des pauvres. Donc, il la sort, il la distingue de ses autres biens et il la garde donc. Dans un coin chez lui en écrivant cette note. En écrivant cette note. Et ceci donc, c'est pour éviter que les gens ne jouent avec ce jugement. Les gens ne jouent avec ce jugement et n'en profitent pour retarder le paiement de la zakat exprès en prétextant la maslaha. En prétextant la maslaha, alors que en fait, c'est dans leur intérêt personnel parce qu'ils veulent juste la retarder. Parce qu'ils veulent juste retarder le paiement. Donc, quelqu'un peut s'amuser avec ce jugement et dire que non, il doit payer la zakat, il ne s'empresse pas de la payer, il n'y a rien qui l'empêche de la payer et il la retarde exprès en disant que c'est dans l'intérêt des pauvres, c'est dans l'intérêt, c'est pour la maslaha. Donc, celui qui est vraiment sincère, donc il suit donc cette indication de Cheikh Ibn Taymiyyah qui dit donc qu'il faut la sortir quand même. Au moment où la date est arrivée, au moment où la date est arrivée, tu la sors de tes biens et tu la mets de côté en écrivant un mot. Au cas où il t'arrive quelque chose, tous tes héritiers sachent que Ça, c'était un argent destiné à la zakat, destiné aux pauvres. Et donc, il lui a aussi permis de retarder la sortie de la zakat afin de bien voir qui la mérite. Donc, c'est aussi quelque chose qui est permis. On retarde la sortie de la zakat afin de bien voir, de bien rechercher une personne qui fait partie des bénéficiaires, des ayants droit. Et de se rassurer de cela. Parce que malheureusement, nous sommes à une époque où la amana se perd. La amana se perd à notre époque et l'amour de l'argent et des biens est très grand. L'amour de l'argent et des biens est très grand. Donc la personne doit réellement faire un effort afin de s'assurer que sa zakat ne tombe pas entre de mauvaises mains. Sa zakat ne tombe pas entre de mauvaises mains de personnes qui n'y ont pas droit et n'en sont pas les bénéficiaires selon la législation islamique. Quitte même, comme on l'a cité précédemment, quitte même à l'envoyer à l'étranger, quitte même à l'envoyer loin à l'étranger, si là-bas il est sûr que, si là-bas ça le rassure plus, quoi. Si là-bas il est sûr des personnes qui s'y trouvent. Maintenant donc un cas de figure qui découle de cela, un cas de figure qui découle de ce qu'on a cité précédemment, c'est si la personne retarde le paiement de la zakat et que son argent augmente. Si il retarde le paiement de la zakat et que son argent augmente, quel est le jugement par rapport à cela? Par exemple, tu dois payer la zakat sur 10 000 euros au début de Ramadan. Donc tu dois payer la zakat sur 10 000 euros au début de Ramadan et tu retardes le paiement jusqu'à Dhul Hijjah. Tu retardes le paiement jusqu'à Dhul Hijjah et tu te retrouves avec 20 000 euros à Dhul Hijjah. Tu vas payer la zakat sur les 10 000 euros ou sur les 20 000 euros. Quel est le jugement par rapport à ça? L'avis de Cheikh Ibn Taymiyyah, et c'est l'avis le plus juste, est qu'il ne paye la zakat que sur les 10 000 euros. Sur les 10 000 euros. Cheikh Ibn Taymiyyah, il a opté pour cet avis dans Sharh al-Mumti' que si il devait payer 10 000 euros et il a retardé le paiement de la zakat, il se retrouve avec 20 000 euros au moment où il doit payer la zakat. Donc, il paye la zakat sur les 10 000 euros. Et je rajoute que c'est là donc qu'on voit aussi un des intérêts de sortir la zakat de ses biens au moment où la date est arrivée. Au moment où la date est arrivée, c'est bien de la sortir et de la distinguer, même si on retarde. Même si on retarde le versement aux ayants droit, même si on retarde le versement aux pauvres, quand la date est arrivée, tu sais que c'est à Ramadan que tu dois sortir, Ramadan est arrivé. Donc, on suit donc le conseil de Cheikh Ibn Taymiyyah, c'est-à-dire l'indication de Cheikh Ibn Taymiyyah, c'est de sortir la zakat donc à ce moment-là. Hein? Cheikh Ibn Taymiyyah, il a même cité ça comme une condition pour ça. Il a même cité cela comme une condition. Ce n'est même pas un conseil, c'est comme une condition. C'est-à-dire, la personne qui retarde, il doit faire cela. La personne qui retarde le paiement de la zakat, il doit faire cela. C'est pour éviter donc que les gens ne s'amusent avec ce jugement et ne retardent le paiement de la zakat sous ce prétexte fallacieux, alors qu'en fait, c'est juste parce qu'ils veulent profiter de leurs biens et ne pas payer la zakat à ce moment-là. Donc, ici, là, donc, le fait que les biens peuvent augmenter entre-temps, c'est aussi un des intérêts de sortir la zakat à ce moment-là et de bien la distinguer du reste de ses biens. Donc sortir la zakat de ses biens et la mettre de côté, même si on ne la paye pas directement. On sort la zakat, on la met de côté et on met une note, même si on ne la paye pas, on ne la paye pas directement. Comme on l'a dit précédemment, c'est aussi un de ses intérêts, un de ses intérêts-là, c'est que ça veut dire que ça évite aussi de s'embrouiller dans ses calculs. Donc au moment où la date est arrivée, on la sort immédiatement et on la réserve de côté, même si on va la faire parvenir aux ayants droit 2 mois après ou, quelques temps après. Donc c'est aussi un de ces intérêts-là, pour éviter de s'embrouiller dans les calculs. Parce que si on néglige, on peut se retrouver même à payer plus, on peut se retrouver même à payer de la zakat plus que ce qu'on ne devrait. Ce qu'on ne devrait payer à cause donc de cette négligence. Parce qu'il y a des gens comme ça, que quand le temps, plus le temps passe, plus sa fortune, sa fortune, elle augmente. Plus, voilà. En l'espace d'un mois, sa fortune peut doubler, tripler. Voilà. En tout cas, elle augmente. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Donc, le fait de retarder, hein, le fait de retarder le paiement de la zakat et de négliger, ça fait que. Au moment où tu vas vouloir la payer, tu vas te retrouver, tu devais peut-être payer 10 000 euros, tu te retrouves avec 20 000 euros. Après, tu sais plus exactement quelle était la somme que tu devais sortir, et tu te retrouves donc à sortir peut-être 20 000 euros, à payer la zakat sur 20 000 euros, alors qu'en réalité, c'est sur 10 000 euros que tu devais payer. Donc voilà aussi un des intérêts de bien calculer. Lorsque le délai arrive, on sort la zakat, même si on la remet pas directement aux pauvres, on sort la zakat et on la réserve et on la met de côté jusqu'à ce qu'on la fasse parvenir, jusqu'à ce que le moment soit opportun, on voit le moment opportun où on peut la faire parvenir aux pauvres. Autre question maintenant, est-ce qu'il est permis de payer la zakat en avance? Par exemple, tu dois payer la zakat à Dhul-Hijjah. Et c'est à ce moment-là que tu auras atteint El-Hawl, les 1 an du calendrier islamique. Mais toi, tu veux la payer le plus vite possible et te décharger de ça dès le mois de Ramadan. Donc la réponse est que ceci est permis. Ceci est permis et c'est l'avis de la majorité des savants. C'est l'avis de la majorité des savants, mais à condition que les biens aient atteint un nisab. À condition que les biens aient atteint un nisab, qui est donc la quantité requise, la quantité qui rend donc obligatoire le paiement de la zakat. Si ça n'atteint pas un nisab, là, ce n'est pas permis. Si ça n'atteint pas un nisab, là, ce n'est pas permis. C'est ce que dit l'Allamah al-Fawzan dans son commentaire de Boulour. Et l'auteur de Boulour a cité le hadith de Ali radiallahu anhu, dans lequel il rapporte qu'Al-Abbas radiallahu anhu a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le fait le paiement de la sadaqa, d'avancer la sadaqa avant que la durée requise, el hawl, ne soit atteinte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis cela. Le hadith est rapporté par At-Tirmidhi et Al-Hakim. Le hadith est rapporté par At-Tirmidhi et Al-Hakim, et donc il est cité dans Bulugh Al-Maram. Et ce hadith donc fait débat entre les gens de science. Et ce hadith fait débat entre les gens de science, et il y en a parmi eux qui l'authentifient et le jugent utilisable. Parmi eux, donc, Al-Barawi, parmi eux, l'imam Al-Barawi, Ahmed Shakir, Al-Albani et Ibn Baz, donc, qui voient que. Qui authentifie le hadith et le juge utilisable. Et d'autres donc ont jugé ce hadith faible. D'autres ont jugé ce hadith faible. Parmi eux, les imams Abu Daoud, Ad-Dharqutni, Al-Bayhaqi aussi, qui ont donc jugé ce hadith mursal. Ils ont jugé, ces trois imams ont jugé donc ce hadith mursal. Et le hadith mursal, c'est celui, le hadith mursal dans la science du hadith, donc c'est celui dans lequel il manque le compagnon. C'est le hadith dans lequel, dans la chaîne de transmission, dans sa chaîne de transmission, il manque le compagnon. Parce que tous les hadiths authentiques ont dans leur chaîne de transmission un compagnon donc, qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais donc le hadith mursal, généralement c'est un hadith où le compagnon n'est pas cité, donc on passe directement du tabi'i, c'est le tabi'i qui rapporte d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les savants du hadith ont ranger ce type de ahadith dans la catégorie des ahadith faibles. Ils ont rangé donc ce type de ahadith dans la catégorie des ahadith faibles. Et donc si on rejoint le camp de ceux qui affaiblissent donc ce hadith, le jugement autorisant le paiement de la zakat avant d'atteindre al-hawl, la durée de un an du calendrier islamique, reste toujours authentique et juste. Ce jugement donc reste toujours juste. Ceci car il est aussi appuyé par le fait que c'est ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les califes bien guidés après lui. Puisqu'ils envoyaient les employés de la zakat, ils les envoyaient donc collecter la zakat à un moment précis de l'année. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, les califes bien guidés après lui, envoyaient les employés de la zakat, ils les envoyaient à un moment précis de l'année pour collecter la zakat. Et c'est un argument, pourquoi? Parce qu'on connaît qu'il est impossible que tout le monde ait leur bien qui atteigne Al-Hawl au même moment de l'année. C'est impossible. Donc si par exemple le calife décide que c'est au mois de Ramadan qu'il va envoyer les employés collecter la zakat, c'est impossible qu'au mois de Ramadan, les gens aient tous leur bien qui a atteint Al-Hawl à ce même moment-là. Les gens divergent dans leurs biens. Les gens divergent dans leurs biens. Par exemple, les propriétaires de bétail, chacun a ses troupeaux et voilà, chacun a ses naissances dans ses troupeaux. À un moment donné, c'est impossible que tout le monde ait donc atteint el-hawl dans ses biens, dans les biens qu'il possède, au même moment. Donc, forcément, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses califes envoyaient les employés de la zakat pour la collecter, il y avait forcément des gens dont les biens n'avaient pas encore atteint al-hawl. Et donc, ceci est un argument pour montrer qu'il est permis donc de payer la zakat en avance, quand le nisab est atteint et avant Hulul al-Hawl, avant d'atteindre la durée de un an du calendrier islamique requise. Et ceci est donc prouvé par le athar rapporté d'Othman ibn Affan, radiallahu anhu, qui disait, donc dans ce athar, Othman ibn Affan radiallahu anhu, le calife Othman ibn Affan radiallahu anhu, il disait: هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة. Donc Othman, dans ce athar, il disait: ceci est le mois de votre zakat, que celui qui a une dette s'en acquitte afin que vous récupériez vos biens pour vous acquitter de leur zakat. La partie qui nous intéresse particulièrement ici, dans ce hadith, C'est sa parole. Hada shahru zakatikum. Zakatikum. Hada shahru zakatikum. Ceci est le mois de votre zakat. Ceci donc indique donc qu'ils avaient un mois déterminé, un mois précis, qui était le moment où les califes donc envoyaient, donc les employés pour la récolte de la zakat, pour la collecte de la zakat. Donc les califes envoyaient donc les employés pour la collecte de la zakat. C'est donc pour cela qu'il les encourageait donc dans ce attar à rembourser leurs dettes afin que tout le monde récupère ses biens et qu'ils puissent donc en sortir tranquillement la zakat et s'acquitter de leurs droits. Donc, comme on l'a vu précédemment, les biens que tu as prêtés, par exemple, et que tu n'as pas encore récupérés, hein, tu ne peux pas t'acquitter de leur zakat. Il faut que tu sois rentré en possession de ces biens avant de pouvoir t'en acquitter. Et on aura l'occasion, inshallah ta'ala, de voir en détail les jugements relatifs au prêt et à la dette. Donc voilà, donc ce attar est donc un argument solide qui montre que il est permis de payer la zakat lorsque le nisab est atteint, avant même si la durée de un an du calendrier islamique n'est pas atteinte, il est permis de payer la zakat à tout moment dès que le nisab, donc la quantité requise, la quantité qui rend obligatoire le paiement de la zakat, est atteinte. Et ce attar de l'Othman est donc une preuve de cela, de cette permission. Ce attar, il est rapporté par l'imam Malik dans Al-Muwatta. Ce attar est rapporté par l'imam Malik dans son livre Al-Muwatta et il est rapporté aussi dans Al-Musannif Abdurrazzaq et Ibn Abi Shayba. Et il est cité aussi en abrégé dans Sahih al-Bukhari. Il est cité en abrégé dans Sahih al-Bukhari. Voilà donc ce qu'on pouvait dire pour aujourd'hui. On va s'arrêter là pour cette fois-ci. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك